Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand merci aux organisateurs de ce séminaire pour leur invitation qui m'honore évidemment beaucoup et qui me donne l'occasion de revenir dans un lieu qui a été aussi un de mes lieux de formation, qui est Sciences Po, et sur lequel porte une partie de mes travaux, en tout cas mon dernier ouvrage. Je suis donc sociologue, je parle au titre de mes nombreuses, je ne sais pas, mais en tout cas de mes recherches qui portent principalement sur le concours et l'accès dans l'enseignement supérieur, accès plus largement en formation, non seulement accès en première année de l'enseignement supérieur, mais aussi en master par exemple, et j'y reviendrai dans un moment. Mais mes enquêtes sont principalement ethnographiques et qualitatives, c'est-à-dire qu'elles se fondent à la fois sur une méthodologie par entretien avec les acteurs concernés, ça peut être des étudiants, des familles, des candidats, des institutionnels évidemment et des personnels administratifs qui sont chargés, des concours qui sont chargés à la fois de les penser et de les organiser. Je suis comparativiste, donc je travaille non seulement sur la France mais aussi sur des filières dites d'élite, donc très sélectives, en Grande-Bretagne, notamment en Angleterre, puisque comme vous le savez, l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne et au Royaume-Uni est dévolu aux nations, et également sur les universités dites Ivy League aux États-Unis. Mon premier travail portait, pour le dire très rapidement, sur les dispositifs d'ouverture sociale dans les grandes écoles, donc les questionnements autour de l'égalité des chances et de la diversité, sur lesquels je reviendrai à la fin de ma présentation. Mais également, et là ça va être le cœur de ma présentation de ce jour, sur le mérite, sur la sociologie du mérite comme principe de justice, sur la socio-histoire en quelque sorte des procédures d'admission et le rapport des filières d'élite à cette notion de mérite ou de méritocratie. Une enquête que je mène également et que j'aborderai peut-être de manière plus connexe aujourd'hui, mais peut-être dans la discussion, c'est une enquête que je mène avec Delphine Espagnol-Abadi, qui est ici présente et je l'en remercie, qui est maîtresse de conférence en droit public à Sciences Po Toulouse, et qui porte sur les processus de judiciarisation dans l'accès en formation à partir des cas de Parcoursup, de l'entrée en master. Comme vous le savez, on est en plein moment de réforme de l'accès en master en ce moment. Et sur les études de santé, les réformes des études de santé qui vous intéresseront peut-être, donc autour de la réforme LIT-PASLAS. J'ai également d'autres enquêtes en cours, notamment sur la médiatisation du concours, donc sur les cadrages médiatiques autour du concours d'ouverture sociale et d'égalité des chances, qui concerne évidemment la fonction publique, et sur l'architecture universitaire, sur lesquelles je reviendrai moins aujourd'hui. Alors, la focale de mon travail, et ça c'est important peut-être de le dire, tout d'abord, c'est une focale sur les filières dites très sélectives. Donc, j'ai donné le cas de l'Université d'Oxford, de l'Université d'Harvard ou de Sciences Po Paris. Alors, je ne travaille pas directement sur la fonction publique, mais l'intérêt, je pense, pour des praticiens, c'est qu'évidemment, une filière comme Sciences Po Paris est une filière qui... Et comme on le dit parfois en sociologie de l'éducation, un feed school, c'est-à-dire une mère nourricière en quelque sorte pour les différents corps de l'État. Et comme pas besoin, je pense, avec un tel auditoire de revenir sur l'histoire de l'école libre des sciences politiques et du lien entre cette école et la formation, et notamment dans la fonction publique et notamment dans les grands corps d'État. Ce qui est intéressant tout de même avec ces filières très spécifiques, c'est qu'elles investissent, tout comme les corps de la fonction publique, leurs admissions, leurs concours, comme un capital symbolique qui leur permet de se positionner dans le champ de l'enseignement supérieur et au sein de leur réseau, y compris dans leur réseau d'État. Donc elles ont un attachement particulier, un intérêt particulier pour leur processus de recrutement. Par ailleurs, deuxième intérêt d'avoir cette approche et de se centrer sur ces objets-là, c'est que ces filières ou ces établissements produisent des normes scolaires, des manières de penser le mérite, des manières de penser la compétence des étudiants et des candidats qui ensuite se diffusent à la fois dans les systèmes éducatifs On sait, quand on fait l'histoire de l'école normale supérieure et de l'école polytechnique, que finalement, le concours de l'école polytechnique a une grosse influence pendant tout le 19e siècle sur la construction des lycées et sur les disciplines mises en œuvre au lycée et lors du baccalauréat, dans une lecture qu'on dit parfois top-down. Donc une diffusion par le haut, en quelque sorte, dans tout le système éducatif et plus largement dans l'espace social et dans l'espace public, des catégories, des critères et des disciplines liées à ces grandes écoles. Donc ça, c'est le deuxième intérêt d'avoir cette focale-là. Ensuite, encore une fois, leur lien avec des groupes sociaux et professionnels élitaires, notamment au sein des structures d'État, ont fait un observatoire précieux des réformes ou des modes de fonctionnement qui peuvent être plus tard mis en œuvre à l'université, par exemple, dans le secondaire, comme je l'ai dit, ou dans la fonction publique. Et j'y reviendrai pour le cas de la diversité et de l'ouverture sociale, parce qu'il me semble que c'est tout à fait le cas. Petit point de précision, pour moi, les filières d'élite, je les comprends comme des institutions ou même des organisations ordinaires, dans la lignée un peu de travaux de sociologues français et américains comme Christine Nusselin, Jérôme Carabel, par exemple. Donc des organisations ordinaires qui développent tout un ensemble de pratiques administratives ordinaires. Donc il y a des bureaux, des acteurs qui travaillent, qui se rencontrent tous les jours dans le cadre de réunions et qui recherchent plutôt un maintien de leur légitimité auprès de leur public, que ce soit des publics traditionnels, plutôt associés aux classes moyennes et supérieures, ou des publics plus nouveaux, plus larges, qui incluent par exemple des catégories moins favorisées. Dans mon travail, il y a un intérêt particulier pour les personnels invisibilisés de ces concours qui assurent pourtant une mission liée au concours d'entrée. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur les secrétaires pédagogiques, tout l'ensemble des personnels administratifs de catégorie B ou C, pour reprendre une catégorie de fonction publique, des vacataires des admissions qui peuvent être, par exemple, amenés à surveiller les épreuves et qui constituent finalement aussi une façade institutionnelle de l'institution. Quand on passe les concours de l'INSP, par exemple, on ne rencontre pas le président du jury, sauf si éventuellement on arrive à l'épreuve, aux épreuves d'admission au grand oral, mais on rencontre d'abord les surveillants de la grande salle où on est pour passer les concours. Et ça, c'est à peu près commun à un certain nombre de concours qui sont fondés sur cette structure écrite orale. Qu'est-ce qu'un concours ? Donc, premier enjeu de définition qui nous intéresse, il me semble, aujourd'hui. Pour moi, à titre de sociologue, il est composé de deux éléments que j'ai développés dans mon livre, donc la société du concours. C'est d'abord un processus social de classement et de catégorisation des individus fondé, et là je reprends une définition de Pierre Bourdieu assez classique, fondé sur la transformation de micro-différences, en termes de notes, 0,05 sur une copie, en statuts sociaux. Donc, pour Bourdieu et Passeron, le concours, c'est un rite d'institution qui est fondé sur la transformation symbolique d'une micro-différence scolaire en statut social. C'est la fameuse différence entre le dernier admis à l'école polytechnique et le premier recalé, alors qu'il n'y a qu'une différence scolairement très ténue entre ces deux candidats, mais qui auront par la suite une trajectoire professionnelle et évidemment l'accès à des niveaux de salaire qui seront extrêmement différents. Ça, c'est la première définition attendue par tous. En général, quand on travaille sur le concours, on attend la première occurrence de Pierre Bourdieu, mais Bourdieu, même si c'est un penseur important du concours, n'est pas le seul. C'est important aussi de le dire. Et notamment, dans mon travail, je donne beaucoup d'importance au travail de Luc Boltanski et de F. Capello, pour qui le concours est une épreuve de vérité auquel se confrontent les individus, qui ancre et maintient cet individu dans un ordre social donné. Par son caractère répétitif, donc en général annuel ou bisannuel dans le cas de certains concours, par exemple dans l'éducation nationale, l'individu est ancré dans un ordre social donné et par ailleurs les pouvoirs publics rappellent leur pouvoir symbolique de pouvoir classer et reconnaître le talent des individus dans une temporalité régulière. Et pour Boltanski et Chiapello, c'est cette temporalité régulière du concours qui fait aussi partie de sa force symbolique. Donc, processus social de classement, mais qui prend une forme institutionnelle importante. Donc, deuxième élément important d'un concours, c'est sa forme institutionnelle, qui est certes plastique, qui est régulièrement réformée, mais qui reste quand même homogène quand on fait des coups de sonde ou des enquêtes au plus long cours sur les archives. On s'aperçoit quand même qu'il y a une forme scolaire qui est à la fois commune à un certain nombre de concours et aussi commune à un certain nombre de pays, même lorsque ces pays ne désignent pas leur processus de sélection par le terme de concours, il y a des choses tout à fait communes. Donc, forme institutionnelle homogène du point de vue de son organisation matérielle, donc ça donne lieu à une série d'épreuves ritualisées, toujours individualisées, une mise en scène souvent du résultat du classement, donc c'est le fameux personnel qui est invité à coller les feuilles, rappelez-vous, contre les vitres, et ça fait aussi partie du concours, évidemment, la proclamation des résultats pour l'agrégation en Sorbonne, etc., etc. Forme institutionnelle homogène aussi du point de vue de ses objectifs. L'idée, c'est toujours d'évaluer individuellement les capacités, donc je parlerai plutôt de capacités avec père renouvelant que de compétences, mais on pourra y revenir. La différence tout de même entre ces différents concours, malgré leur forme homogène, c'est que ces formes institutionnelles sont investies, et plus ou moins de manière différenciée selon les époques, les institutions et les groupes sociaux. Ce qui est différent, c'est véritablement la légitimité qu'on porte à certains types de concours ou pas, selon les groupes sociaux qui sont concernés ou selon les époques. Pour moi, un concours, finalement, et ça c'est un petit peu l'approche que j'ai développée dans mon premier livre, c'est une sorte de un continuum de pratiques de jugement autour des capacités d'individuel dont la légitimité sociale et politique varie selon le groupe social visé ou mis en scène par le classement, c'est-à-dire que plus ça concerne des classements aînés supérieurs, plus ça concerne des groupes professionnels très légitimes, plus le concours va être visible et rendu légitime dans son fonctionnement, même s'il peut y avoir des dysfonctionnements pratiques, des pertes de copies, exemple de l'ENS cette année, mais aussi sur les années précédentes, exemple du concours de médecine dans le cadre des réformes PASLAS, etc. etc. Donc, premier élément, selon le groupe social qui est visé, le concours sera plus ou moins légitime et visible. Le concours sera plus ou moins légitime et visible selon, évidemment, l'organisation du pouvoir politique qui est associée à ce concours-là. C'est évidemment, si j'ose dire, le point qui est central, crucial, mais je reviendrai un peu plus loin. Le concours existe sans la République et sans la démocratie, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette forme institutionnelle-là, elle préexiste finalement au régime républicain. Ce qui est relativement peu dit, puisque la légitimité du concours, notamment dans la fonction publique française, elle est associée avec l'image de la Révolution française et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, alors que une socio-histoire des concours permet finalement de questionner ce rapport. Et pour moi, le troisième point important, c'est que c'est le degré de scolarisation du jugement. Plus le concours met en scène des formes scolaires d'évaluation, à recours à des notes, à des formes scolaires d'épreuves, plus il sera légitime dans une société donnée. Ce qui me permet, en fait, de penser en termes de continuum, me permet de penser ensemble des formes différentes de concours, des époques différentes de concours. Et donc, je vous soumets à ces réflexions-là, en espérant que ça suscite chez vous peut-être des interrogations. Pourquoi ? Parce que, pour moi, il y a un continuum, et c'est peut-être un point à discuter ensemble et qui avait particulièrement intéressé mes éditeurs lors de la publication de la Société du Concours, entre la télé-réalité, des formes très illégitimes de concours, et potentiellement des formes extrêmement légitimes de concours, en particulier dans le cadre de la fonction publique d'État, par exemple, le concours de l'INSP ou de l'INET pour la fonction publique territoriale, etc. etc. Pourquoi il y a une continuité et qui produit la continuité ? Ben, c'est les groupes sociaux, moi en tant qu'universitaire, et les pratiques des acteurs. En tant qu'universitaire, donc petite anecdote personnelle, évidemment l'évaluation des élèves, ça fait partie de mes missions. J'évalue mes élèves, mes étudiants, j'évalue mes collègues également. Évaluation par les pairs, notamment d'un point de vue scientifique ou de suivi des carrières. Et je rentre chez moi, j'allume ma télévision et il est fort probable que je tombe sur une émission de télé-réalité qui met en scène sous une forme de jeu des formes de concours, d'évaluation individuelle qui reprennent en fait des codes tout à fait proches de ceux des concours. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est justement de travailler sur cette forme qui circule finalement d'évaluation des individus qui lie malgré elle, effectivement, et encore une fois à discuter, des formes très illégitimes de classement individuel et des formes très légitimes, mais ce qui contribue aussi à donner l'impression qu'on vit dans une société du concours, c'est d'une évaluation, une société où l'évaluation et les formes d'évaluation circulent, y compris pour des publics qui sont très éloignés de la forme scolaire et des univers scolaires et des univers de la fonction publique, et qui du coup stimulent l'adhésion au mérite ou à la méritocratie. J'y reviendrai un peu plus tard. D'où vient la force symbolique du concours ? Donc là, je voudrais faire un petit pas de côté en lien avec des travaux de sociologie politique ou de socio-histoire du politique, notamment des travaux qui sont liés à la socio-histoire des élections. Un livre magnifique qui s'appelle Vox Populi d'Olivier Christin, paru au Seuil. Pourquoi ce livre est intéressant selon moi ? Parce qu'il associe le concours aux élections, en fait. D'où vient la force symbolique du concours ? Comme je l'ai dit, parce qu'il est associé le plus souvent à des élites politiques et sociales, et plus il est associé à des élites politiques et sociales, plus il est légitime. Mais il est fort parce qu'il est proche dans la forme, finalement, et dans le mode de classement qu'il propose et de désignation des élites des élections. Donc, Olivier Christin s'intéresse notamment à toutes les formes d'élections et de concours avant le suffrage universel direct. Il revient par exemple sur l'Église catholique, et il conclut finalement qu'il y a une circulation des formes de jugement, donc entre concours et élections, y compris avant le suffrage universel direct. Un autre politiste qui s'appelle Olivier Hill, qui a la même démarche mais après l'instauration du suffrage universel direct, dit exactement la même chose, c'est selon une société donnée, ce qui relève de l'élection ou du concours varie très fortement. Il n'y a qu'à comparer, et c'est le cœur du travail d'Olivier Hill, la société française et la société américaine. On peut être élu en tant que fonctionnaire, par exemple. Dans tous les cas, ce qui est intéressant et ce qui est au cœur de mon travail, c'est que le concours structure également le rapport ordinaire des citoyens aux politiques, à ces catégories, aux politiques et évidemment au pouvoir public et notamment à l'État, à ces catégories, à ces pratiques de sélection. Le concours ou le concours perpétuel qu'on vit lorsqu'on est socialisé dans un système éducatif qui hiérarchise, qui est fondé sur la hiérarchisation, socialise les élèves, mais socialise du coup les citoyens aux hiérarchies sociales associées aux hiérarchies scolaires, et reproduit et met en scène la notion de compétence individuelle comme la forme la plus juste de jugement scolaire. Le concours est aussi pour moi un rituel politique, et ça c'est important, qui incarne la capacité de l'État à nous choisir sur notre talent. Quand on passe, alors c'est vrai pour les concours, c'est vrai pour les examens, quand on passe son brevet des collèges ou quand on passe son baccalauréat, on est jugé pour la première fois sur des copies anonymes, de moins en moins, et ça justement c'est intéressant d'y réfléchir en termes de reconfiguration, copies anonymes où il y a anonymisé, ou anonymisable plus exactement, où il y a la mention, en général, Académie d'Amiens, de Paris, etc., République française. Et ça, pour le coup, souvent pour les élèves, c'est un peu la première rencontre personnelle, individuelle, sans le truchement de leurs parents, hein, avec l'État, et la capacité de l'État à les juger potentiellement sur une mise en scène de l'égalité de traitement avec leurs camarades. À partir de là, donc, l'idée, c'est vraiment repenser le concours et repenser le lien entre le mérite, et là je passe à mon deuxième livre Mérite, mérite et concours comme une forme institutionnelle caractéristique du mérite. L'un de mes points forts, je pense, un point fort de mes recherches, point fort, enfin, point saillant plus exactement, c'est vraiment d'essayer de penser le concours sans nécessairement penser seulement la question du mérite. On pense la question du mérite de manière séparée du concours, comme, puisque dans le concours, il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes de logique institutionnelle que celle du mérite, et que les formes de jugement du mérite peuvent aussi s'émanciper de la question du concours au sens strict du terme. Mon travail aussi vise à éclairer des mouvements paradoxaux contemporains que je vous soumets, sur lesquels j'aimerais bien revenir avec vous. À la fois une inflation des procédures d'évaluation comme des formes légitimes de distinction des individus, hein. Distinction sociale, statutaire et du coup distinction économique qui s'incarne par des différences de salaire. Mais adhésion au mérite qui reste fort, donc j'ai cité deux études, celle de Luc Rouban qui est sociologue du politique qui s'intéresse à l'adhésion au mérite et qui souligne, mais ça en fait c'est vraiment des choses qu'on retrouve au niveau international, autre étude de Jonathan Mich sur comparaison de l'adhésion au mérite et à la méritocratie chez les groupes sociaux des pays de l'OCDE. Et ce qu'ils soulignent, ces deux chercheurs-là à des niveaux avec des méthodologies différentes, c'est qu'il reste une très forte adhésion, quel que soit le groupe social, à la notion de mérite, c'est-à-dire à la volonté de voir reconnu son effort personnel. Par contre, et notamment dans le cas de Luc Rouban pour les publics français, la différence, c'est qu'on croit beaucoup au mérite, mais on ne croit plus ou moins en moins dans la capacité des institutions, notamment des institutions publiques, à évaluer correctement ce mérite personnel. Donc ça, c'est le deuxième point qui reste fort, mais le mérite, encore une fois, s'impose comme une morale sociale pour les groupes sociaux et une morale également pour les élus. Là, je vous ai mis un petit extrait de « Travailler plus pour gagner plus ». Simplement, au-delà de l'anecdote, c'est que le mérite, c'est la méritocratie aussi une antienne qu'on retrouve dans de très nombreux discours présidentiels, quelle que soit finalement la couleur politique du président en question. Pour le président Emmanuel Macron, c'est évidemment tout le discours autour des premiers de cordée, évidemment, qui peut être considéré comme un discours méritocratique. Et qui contribue du coup à amplifier la force du mérite comme une morale sociale et politique légitime. Et par ailleurs, et ça c'est important, le paradoxe, c'est qu'il y a une forme de détachement d'une croyance dans le pouvoir de l'État en général et dans le pouvoir de l'État à identifier le talent de chacun, avec en plus, en parallèle, une perte d'attractivité, et ça je pense que c'est absolument central, des carrières de la fonction publique, malgré le maintien des concours, perte d'attractivité à l'égard des missions et aussi à l'égard évidemment des salaires. Mais là encore une fois, je parle à des spécialistes de la question. La dernière occurrence dans mon univers, si j'ose dire, étant les résultats d'admissibilité dans les CAPES de l'éducation nationale, quelle que soit la discipline, et notamment en français et en mathématiques, avec finalement un taux d'admissibilité qui ne correspond pas du tout aux besoins dans ces disciplines, avec le risque finalement de faire baisser le niveau en fait, des candidats admissibles et donc potentiellement de la mission de service public qui est associée. Et par ailleurs, ce sur quoi je voudrais revenir avec vous, c'est vraiment la question de l'ambivalence de l'État, encore une fois pris dans sa diversité, son hétérogénéité, par rapport à l'usage des concours. Alors des questions qu'on se pose, et encore une fois là aussi je prends ma casquette de praticienne d'enseignement supérieur qui participe aussi à des concours, très régulièrement, c'est faut-il mieux un concours ou des formes de contractualisation? Pour les catégories B ou C, il me semble qu'il y a une tendance forte au recours à la contractualisation ou à la réforme des épreuves des concours avec plus d'importance donnée à la mise en situation professionnelle, etc. Et par ailleurs, tendance lourde, détachement du rapport entre le concours et le statut dans la fonction publique. Réussir un concours, comme un peu dans la territoriale, ne donne pas directement accès à un emploi. Et pas nécessairement à un statut, avec une transformation très forte, il me semble, en ce moment, et ça, les travaux de Natacha Galli, qui est sans doute très bien connue de vous, et reviennent très clairement, une forme de transformation du concours avec une sorte d'individualisation du concours, une relation gré à gré qui se fait entre le candidat et l'employeur, plutôt que par le biais d'un corps, que ce soit un corps de fonctionnaire, quel qu'il soit. D'où vient ce concours? J'avais promis que je ferais une petite incise socio-historique. Le concours, pourquoi? Parce qu'évidemment, quand on est sociologue et ethnographe, c'est toujours important de prendre de la distance avec les catégories qui sont mobilisées par les acteurs, notamment les critères d'évaluation. Le concours, par convention, on considère que c'est une production chinoise, donc associée à certaines dynasties des Han et dynastie des Tang, 200 ans après Jésus-Christ, entre 200 et 600 ans après Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, et là je me réfère à la très belle étude de Benjamin Hellman, qui est un sinologue américain, sur la Chine impériale et la naissance des concours, eh bien le concours, il n'est pas du tout mobilisé au titre de la méritocratie, une certaine forme de méritocratie, c'est-à-dire renforcer la mobilité sociale ascendante ou compenser les inégalités sociales par un prestige symbolique ou l'accès à certains emplois. Le concours, il est véritablement mobilisé comme un outil de loyauté politique. On sélectionne sur épreuve des élites sociales afin de s'assurer un contrôle sur ces élites sociales et une loyauté à l'égard de l'empereur dans le contexte géographique très particulier de la Chine où effectivement ces élites peuvent être très éloignées géographiquement du centre du pouvoir impérial. Donc pour le coup, on associe avec le concours et les épreuves du concours une forme de prestige culturel qui est finalement renversé par le pouvoir politique pour contrôler ces élites qui ont accès évidemment à un statut dit mandarinal avec tout un ensemble de privilèges, notamment moins d'impôts, etc., etc. Pourquoi c'est intéressant de revenir sur le concours ? C'est parce que, en Chine, parce qu'on y revient souvent, avec deux thèses en histoire qui sont concurrentes, ou en sociologie, des thèses qui supposent que le concours a circulé vers la France de la Chine par le biais des jésuites, et une thèse à laquelle j'adhère personnellement de manière plus grande, c'est celle de Durkheim, notamment dans l'évolution pédagogique de la France, où il dit finalement, les concours ont la même fonction, c'est-à-dire le contrôle des élites et le contrôle du recrutement des corps. En l'occurrence, Durkheim revient surtout sur le corps des universitaires, puisque lui-même est universitaire, et qu'on met en place les mêmes formes d'évaluation parce que ça répond finalement à des fonctions tout à fait similaires, sans avoir besoin des jésuites entre-temps. Mais pour moi, le concours est véritablement important parce qu'il est inséparable de la construction des États modernes. Pourquoi cette forme institutionnelle est aussi présente ? C'est parce qu'elle accompagne la bureaucratisation des États à partir du Moyen-Âge. Et encore une fois, il y a des spécialistes de la question, donc je ne me permettrai pas de revenir sur ça de manière trop approfondie. Donc la bureaucratisation des États nécessite l'accès à certaines fonctions de fonctionnaires en capacité, ce qui fait que les premières formes de concours arrivent dès avant la Révolution française. Le premier concours, c'est l'école de la marine en 1780, ce qui montre bien finalement une sorte de détachement entre le régime républicain, la question du talent et finalement la naissance du concours. Pour moi, ce qui est important, c'est que plus l'État élargit ses compétences, évidemment ces secteurs d'action, plus il a recours au concours, du moins pendant le long XXe siècle, c'est moins le cas évidemment aujourd'hui, comme un outil d'évaluation individuelle des capacités de chacun sur une base standardisée. Et évidemment, il l'investit comme un outil de l'indépendance des fonctionnaires autant que de contrôle du recrutement. Et ça, c'est aussi lié pendant que se bureaucratisent les États, se méritocratisent aussi les sociétés, mais de manière finalement adjacente, mais pas nécessairement articulée. Méritocratisation de la société avec Napoléon Ier, donc multiplication des récompenses honorifiques type Légion d'honneur, qui sont désormais ouvertes à tous, à la bourgeoisie et pas seulement à la noblesse. Par ailleurs, multiplication d'autres formes de concours, par exemple concours littéraire, concours des comices agricoles, qui visent, au début du XIXe siècle, à produire des normes de perfectionnement moral, voire à standardiser des normes de productivité, de production, par l'émulation et la compétition. Et ça, c'est une thèse d'Olivier Hill qui reprend de Norbert Elias. Dans une société où on ne peut plus avoir recours à la violence physique de manière aussi légitime, on a recours au concours ou aux formes de compétition et d'émulation entre les individus pour produire des règles standardisées de productivité, hein, dans l'agriculture par exemple, et les diffuser, mais aussi pour standardiser et autocontraindre en quelque sorte les individus. Donc de ce point de vue-là, le concours a pour passer à un terme foucaldien de Michel Foucault, peut avoir un usage disciplinaire, de disciplinarisation des esprits et des corps des individus sous un régime républicain. Mais ces deux processus, méritocratisation et bureaucratisation, sont pas nécessairement articulés. Ils sont parallèles, mais pas nécessairement articulés. Je voudrais revenir sur un point qui est très important pour moi et sur lequel je reviens dans Mérite et un peu moins dans le Nouvelle Porte des grandes écoles, quoique. C'est la question, évidemment, des grandes écoles qui est au cœur de mon travail. J'ai commencé à travailler sur les grandes écoles à partir de la question de l'ouverture sociale et de la diversité en m'interrogeant de la manière suivante. Comment la diversité interroge non pas seulement la carrière ou la trajectoire sociale des individus, mais les institutions. Pour le dire autrement, ce qui m'intéressait dans l'ouverture sociale, c'est non seulement ce qu'elle fait au fameux transfuge de classe dont on entend parler partout dans les médias, mais surtout aux institutions elles-mêmes et aux institutions les plus légitimes à organiser des concours. Et pour comprendre ce que faisait l'ouverture sociale à Sciences Po Paris, par exemple, pour moi, c'était important de remettre ces processus de sélection dans une lecture plus longue. Et donc, j'ai fait un terrain archivistique, pour le coup, à partir de l'histoire des trois concours qui m'intéressaient, donc Sciences Po, Oxford et Harvard, et j'en ai dessiné trois âges, en quelque sorte. Trois âges en partant, parce que je reste quand même sociologue, pour cette présentation, des environs de la Seconde Guerre mondiale et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les concours des grandes écoles sont marqués par trois âges. Le premier âge, c'est l'âge que j'appelle de la dérogation. Pourquoi l'âge de la dérogation ? C'est parce que finalement, le concours, il est fondé sur la base moins d'une sélection que d'une cooptation d'un public qui, dans les institutions, est jugé naturel, en général un public très favorisé ou issu d'un certain nombre de filières scolaires élitistes, élitaires, des lycées par exemple. Cooptation qui est mise en œuvre par la multiplication des frais d'inscription, par exemple à Oxford, ou l'accès à un diplôme, le baccalauréat, dans un système qui reste élitiste, comme vous le savez. Le baccalauréat, jusqu'en 1962, c'est 12% des 18-25 ans qui l'obtiennent. Donc, pour le coup, le concours ou les examens d'entrée sont organisés sur un principe, celui du peu d'épreuves, et c'est la dérogation qui reste la norme. Cette situation change et on assiste à une méritocratisation des concours en quelque sorte. Alors aux États-Unis c'est un petit peu plus tôt, en France et en Grande-Bretagne c'est entre les années 40 et 60, à partir des vagues de massification scolaire qui sont vécues, et dans les archives c'est extrêmement clair chez les acteurs, comme un choc. Qu'est-ce que j'entends par massification ? C'est pas seulement massification scolaire, hein, ouverture plus démocratique en quelque sorte de l'accès par exemple au baccalauréat à des nouveaux publics, mais d'abord des vagues de féminisation. La féminisation et l'accès des filles au système scolaire puis au système universitaire, c'est la première vague de massification. Dans les pays anglo-saxons, et en Angleterre et aux États-Unis, ça s'accompagne également par une massification liée à des droits des anciens combattants. La massification, elle est vécue dans les archives d'Oxford comme liée à l'arrivée le Butler Act de 1944, d'anciens combattants qui n'étaient pas concernés par l'école auparavant, à Oxford ou à Cambridge par exemple, au titre de la rétribution symbolique de leur engagement pour la nation. Et c'est à partir de là, de cette féminisation et de cette arrivée des anciens combattants, qu'on introduit une forme de régulation par les critères d'entrée ou par les épreuves des concours. L'idée, c'est véritablement, face à des nouveaux publics, comment réagir ? Eh bien, on va se donner les moyens de les évaluer en produisant des épreuves. Et ce sont ces épreuves-là qui seront par la suite élargies à un public plus général. Et c'est aussi un moment important parce qu'on codifie donc ces épreuves avec des barèmes, des épreuves attendues, la culture générale notamment, des critères standards. On organise des concours entre écrit et oral, même si par exemple à Sciences Po Paris, l'oral apparaît et disparaît sur la longue période, y compris à l'École libre des sciences politiques, apparaît et disparaît selon des logiques institutionnelles propres. J'y reviendrai. Dans tous les cas, le deuxième âge du concours, c'est l'âge dit du mérite standard, qui est marqué par la méritocratisation, la prise de pouvoir aussi de groupes professionnels comme les enseignants-chercheurs, hein, également, qui défendent des critères scolaires comme une manière aussi de contrôler leur public. Et ça, encore une fois, je ne me mets pas à l'écart moi-même ma propre profession, évidemment. Je vous ai mis une petite photo qui est un peu floue d'un lieu sur lequel je travaille que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Maison des examens et des concours d'Arcueil, qui accueille le SIEC. Je vois quelques sourires, donc je pense que ça évoque peut-être des souvenirs chez un certain nombre d'entre vous. Et je travaille en ce moment dans le cadre d'un projet personnel sur l'histoire de l'architecture de cette maison. Et dans quelle mesure elle incarne finalement cet âge du mérite standard. Maison des examens d'Arcueil a été construite sous la demande des doyens de la faculté de médecine et de droit de l'université de Paris entre 1964 et 1969, et elle incarne une nouvelle lecture du mérite où l'idée c'est qu'on soit premier candidat sur la liste des candidats au 4000e, puisque la maison d'examen est le premier lieu qui accueille un nombre massif de candidats. On est accueilli et on passe le concours dans les mêmes conditions de travail. Rappelez-vous, table d'un mètre sur un mètre, à équidistance avec son voisin, donc exactement dans les mêmes conditions que le voisin. Bien sûr, cela ne prend pas en compte l'endroit d'où on vient et l'endroit où on retourne après avoir pris le RER B direction Paris ou peut-être dans notre sens. Mais en tout cas, l'architecture en elle-même incarne justement pour moi ce mérite standard où l'idée c'est vraiment de juger ce qui est juste, c'est de juger le candidat en fonction d'un standard, que ce soit une note, il faut arriver à un certain palier, en fonction de compétences professionnelles, etc., etc., un niveau de connaissance. À la suite de controverses qui ont été notamment suscitées par la sociologie critique de Pierre Bourdieu, donc controverses au sein des pouvoirs publics et à l'extérieur, on passe un nouvel âge du concours autour des années 2000, et cet âge on l'appelle l'âge du potentiel. Le mérite standard est de moins en moins considéré comme une manière juste d'évaluer les candidats. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où règne la critique artiste, hein, pour reprendre des catégories de Boltanski et de Capello, où il faut reconnaître la singularité des individus. Ce qui est juste, c'est pas seulement de juger le mérite selon un standard dont on sait qu'il n'existe pas vu l'augmentation des inégalités notamment à l'école, c'est de juger les élèves selon leur propre trajectoire et leur propre singularité. Donc ces controverses introduisent un paradigme d'individualisation du traitement des candidats qui est lié aussi à tout un ensemble de changements autour de l'individualisation du traitement des inégalités sociales qui est porté notamment par l'ouverture sociale. Pour avoir plus d'élèves à Sciences Po Paris, on introduit des oraux en pensant que c'est une meilleure façon de juger non seulement ce qu'ils ont réalisé par le passé, mais aussi leur potentiel, c'est-à-dire de manière prédictive comment ils peuvent se développer à l'intérieur de l'établissement. Donc, cela suppose une recodification des épreuves, introduction de l'oral, mais aussi introduction de notions d'efficacité, de transparence, introduction évidemment du numérique, des dossiers numériques, puisqu'en parallèle se jouent des questions de coûts. Hein. Évidemment, vous avez en tête des rapports de la Cour des comptes, notamment, qui reviennent sur le coût important des concours, et notamment des épreuves écrites, non seulement à la maison des examens, mais aussi la location d'espaces privés, qui sont loués en fait par les pouvoirs publics et notamment par le SIEC, par exemple Villepinte, etc. En Angleterre, c'est une période où on introduit aussi des outils pour lutter contre des formes d'arbitraire qui sont devenues insupportables. En l'occurrence, l'arbitraire, par exemple, à l'université d'Oxford, c'est l'arbitraire des universitaires qui sont donc chargés des concours d'entrée. Et on lutte contre cet arbitraire-là en renforçant les oraux, en renforçant les contrôles des jugements des universitaires, mais aussi en mettant à leur disposition ce qu'on appelle les données contextuelles à partir de 2004. C'est un ensemble d'une batterie de statistiques sur les dossiers des élèves. Donc on a les professions des parents, on a aussi la fratrie, on a le niveau scolaire du lycée d'origine, on a le taux de pauvreté dans le lycée d'origine. En Angleterre, c'est l'indicateur, c'est le taux d'élèves qui ont le droit à la cantine gratuite. Donc on met à disposition finalement des juges, que sont les universitaires en l'occurrence, tout un ensemble de choses. Cela a pour conséquence, j'y reviendrai, de bureaucratiser les admissions. Dans toutes les universités, y compris à Sciences Po, les concours deviennent de plus en plus importants. Et dans cet âge du potentiel et d'individualisation du traitement des candidats, cette bureaucratisation s'accompagne également d'une segmentation des publics. À partir des années 2000, on a de plus en plus de formes de segmentation des publics, par exemple dans les universités ou dans les grandes écoles, on a les publics étrangers, les publics de l'ouverture sociale, le public général, etc., etc., avec autant de dimensions spécifiques, le public qui est en reprise d'études, autant de segmentation des publics qui remettent en cause, notamment dans le concours de la fonction publique, du moins il me semble, les catégorisations habituelles, externes, internes par exemple, ou éventuellement troisième concours. Troisième partie, alors je ne sais pas où j'en suis du point de vue du timing. Formidable. Donc, je voudrais revenir évidemment sur la question de l'ouverture sociale. Et là, pour le coup, je passe à mon troisième livre. Et l'ouverture sociale, finalement, 20 ans après. Évidemment, l'idée, c'est réformer les concours pour élargir le vivier des candidats et élargir la composition sociale des admis. Ce n'est pas un sujet extrêmement neuf. Hein. Il est sans doute peut-être aussi ancien que l'État, en tout cas, la question a été au cœur, par exemple, de la création de l'ENA par le général de Gaulle dans l'après-guerre. Ce qui est intéressant de penser, quand même, c'est que ces dispositifs d'ouverture sociale lancés, donc, pour rappel, à Sciences Po et à l'ESSEC autour des années 2000-2001, autour des conventions d'éducation prioritaire, on ne peut pas manquer de parler de Richard Descoings, qui était son initiateur, bien sûr. C'est que pour moi, elle incarne ce moment de l'âge du potentiel et ce moment de basculement des représentations dans l'espace public de la justice sociale autour des concours d'un mérite standard à un mérite plus individualisé, qui reconnaît la singularité du candidat. Deux innovations institutionnelles marquantes quand même autour de ces dispositifs-là, c'est que c'est initialement, c'est plus le cas aujourd'hui, des initiatives qui sont autonomes de l'État, même si elles sont rattachées à l'État, donc mises en réseau à l'éducation nationale, et ensuite réappropriation par certains corps de la fonction publique et évidemment par les administrations, notamment les grands corps et associés au recrutement par l'ENA et NSP également. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est que l'innovation, elle est relativement autonome et ensuite elle est raccrochée à l'État, donc juste pour le cas de la France. Ces dispositifs ont fait par la suite l'objet d'une reconnaissance institutionnelle forte. Alors, c'est moins le cas de Sciences Po dans un premier temps, c'est plus le cas de ce que j'appelle le système alternatif à Sciences Po, c'est-à-dire une socialisation anticipatrice. C'est le cas de dispositifs Une grande école, pourquoi pas moi, lancé par l'ESSEC en 2002-2003 et qui vise finalement à recruter des élèves, de bons élèves issus de milieux défavorisés, notamment dans la périphérie de Paris dans un premier temps, et à les former de la seconde à la prépa, à passer le même concours que tout le monde. Donc, globalement, ils ont tout un ensemble de tutorats, de formations complémentaires qui devaient leur permettre de passer les mêmes concours que tout le monde. L'approche de Sciences Po, si vous en rappelez, est contraire, c'est-à-dire qu'on crée un concours particulier, une filière d'entrée particulière avec des épreuves particulières pour capter en quelque sorte ces bons élèves issus de milieux défavorisés, de lycées de l'éducation prioritaire. C'est le premier modèle, le modèle de l'ESSEC, qui fait l'objet, dans un premier temps, de la reconnaissance la plus forte de l'État, donc charte de la diversité signée par Jean-Louis Borloo, donc côté politique de la ville, dès 2004, en fait. Et ensuite, naissance des cordées de la réussite, ce que vous connaissez sans doute, à partir de 2008, qui est en fait tout simplement une reproduction du système Une grande école, pourquoi pas moi, qui entre-temps également a fait l'objet d'une diffusion très large au sein de la conférence des grandes écoles. Le modèle de Sciences Po, pour moi, a fait l'objet d'une reconnaissance plus tardive, donc, et notamment incarnée par l'annonce du président de la République le 11 février 2021 de l'émergence des concours talents et des classes prépa talents qui sont associées, notamment à l'INSP. Petit point en termes d'effet, pour moi, au sein des établissements qui sont conventionnés, cela a donné lieu, donc cadrage par la diversité, l'ouverture sociale tous azimuts, à ce que j'appelle parfois un millefeuille de la diversité. C'est-à-dire que de très nombreux groupes professionnels ou de très nombreuses écoles se sont intéressés à des publics tout à fait similaires et à des établissements, notamment dans le secondaire similaire, ce qui a donné lieu en fait à une concentration des moyens, y compris matériels mais aussi humains, type prof, étudiant, envoyés dans un certain type d'établissement, notamment ceux placés à des nœuds de communication très intéressants. Je donne souvent le cas de la ville de Nanterre parce que je suis détachée, ou je suis en délégation CNRS à Nanterre, donc je commence à bien connaître cette ville-là, mais qui a l'avantage de se situer évidemment à un nœud de connexion très intéressant sur le RERA, proximité directe avec la Défense, etc. Du coup, les établissements situés en éducation prioritaire dans ces villes ont été particulièrement concernés par ces dispositifs-là, ce qui crée en fait des inégalités territoriales entre des élèves avec les mêmes caractéristiques, mais situés à des distances plus importantes, finalement, des nœuds de communication. Je passe très très vite. Ce qui est intéressant avec l'ouverture sociale, c'est que c'est ça aussi sa grande médiatisation, et ça pour le coup ça dépasse largement Sciences Po, et la médiatisation fait éminemment partie du calcul des effets en fait. Si on peut très modestement essayer de comprendre les effets, on ne peut pas parler des effets de l'ouverture sociale sans parler de sa médiatisation. Donc en 2000-2001, les questions d'ouverture sociale puis d'égalité des chances, le paradigme devient plus celui de la diversité dans une lecture plus managériale, inspirée donc des grandes entreprises et de la responsabilité sociale des entreprises à partir de 2008-2010, avec des enjeux extrêmement forts qui se jouent, hein, ce qui explique le maintien de ces questions-là dans l'espace public. Enjeu de légitimité institutionnelle à l'égard des usagers et des citoyens pour les corps de la fonction publique. Hein, ce qui joue autour du concours, c'est la question de la transparence, la question de l'accessibilité, évidemment. Enjeu de légitimité des personnels de l'État, donc autour de la question de la représentativité sociale des fonctionnaires, notamment de catégorie A et A+, qui sont concernés par ces grandes écoles, bien sûr. Et au-delà du personnel politique, puisqu'on sait bien, encore une fois, qu'une partie des personnels politiques reste associée à certaines catégories de fonctionnaires, même si c'est de moins en moins, et notamment AE et A+. Donc ce cadrage médiatique, il est important, et il est d'autant plus important qu'il a contribué pour moi à colorer le traitement des séquences médiatiques autour de la fonction publique, malgré le fait que ces séquences aient plutôt été associées au genre, par exemple, à la question de la ruralité, plutôt en ce moment, à la question du handicap. C'est-à-dire que l'ouverture sociale, c'est important toujours d'y revenir, pas seulement parce que c'est la seule question qu'on se pose, donc la composition sociale des corps d'État ou des grandes écoles qui y mènent, mais parce qu'elle s'impose, elle se surimpose finalement à tout un ensemble de questions qui peuvent être finalement, qui sont articulées, mais qui sont aussi indépendantes. Et du coup, ça contribue, il me semble, et là je suis assez d'accord avec Natacha, les travaux de Natacha Galli, que j'aime beaucoup par ailleurs, ça contribue à une invisibilisation dans l'espace public d'autres enjeux liés, plus techniques liés à la fonction publique, donc la contractualisation, bien sûr, le recrutement par contractualisation, la question des fusions des corps de fonctionnaires, la question des classements sortis que j'évoquais avec Madame Jacob il y a quelques minutes, etc., etc. Donc la question de la diversité et de l'ouverture sociale, vue par les usagers et les médias, devient toute puissante en quelque sorte. Quelques éléments quantitatifs avant de revenir sur des effets plus institutionnels. C'est toujours important de revenir à ça. Que s'est-il passé depuis 20 ans dans les grandes écoles et dans les classes préparatoires? Plusieurs rapports sont revenus sur cette question-là à partir de bases de données ministères notamment. Donc, rapport de l'IPP autour des travaux de Julien Grenet, « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ?» Rapport Marco Berti et Listanré autour de Sciences Po Paris et de Dauphine. Et qu'est-ce que disent absolument tous les rapports, quels qu'ils soient, c'est que cette base de recrutement des écoles reste extrêmement étroite. Les étudiants demeurent issus de milieux, des CSP très favorisés, donc 4 chefs d'entreprise pour profession intellectuelle supérieure, profession libérales qui restent sous-représentées dans ces établissements-là. Donc, juste d'un point de vue méthodologique, le rapport Grenet, c'est environ 200 écoles, des très grandes écoles de type polytechnique, jusqu'à des écoles de commerce ou d'ingénieurs dites de milieu de classement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on prend en charge la totalité des grandes écoles, ce qui explique qu'il n'y a finalement que 64% des effectifs, mais c'est quand même énorme à l'échelle de ces 200 écoles et IEP de région par ailleurs. 64% des effectifs dans ces écoles-là viennent de ces CSP dites plus, contre, alors que ces étudiants ne représentent que 23% des jeunes dans la cohorte des 20-24 ans et 47% des étudiants dans l'enseignement supérieur et la recherche en général entre bac plus 3 et bac plus 5, c'est-à-dire université compris. Quand on retourne le spectre et qu'on s'intéresse aux moins favorisés, donc issus de familles ouvrières ou le chef de famille ouvrier ou inactif, ces étudiants-là dans ces écoles représentent 9% contre 36% en cohorte générale et 20% dans l'ESR université comprise, donc là encore une fois forte disparité. Ce qui est important aussi de noter, et ça on le note dans les IEP notamment et les écoles de commerce, c'est que on a une sorte de glissement des catégories intermédiaires, donc des classes moyennes, ou des, ce qu'on appelle parfois en sociologie les petites classes moyennes, donc employées, qui sont représentées de manière inégalitaire dans les grandes écoles, entre 10 à 18%, contre 11 à 22% des bac plus 3 à bac plus 5, avec des glissements dans certaines écoles, notamment Sciences Po Paris, et ça c'est les rapports Aubert-Titanré qui le soulignent, où on a des classes moyennes qui disparaissent finalement de Sciences Po Paris à la faveur de tout un ensemble de réformes, avec une polarisation très forte en haut de l'espace social, des élèves très favorisés, et en bas par le biais de l'ouverture sociale. Donc, il y a une sorte de disparition au milieu des classes moyennes, ce qui fait que le recrutement, par exemple, à Sciences Po Paris ou à Dauphine, se creuse ou produit des zones blanches, par exemple, pour ne parler que du cas de la région parisienne, et Marco Berti le dit très clairement, c'est-à-dire que la Seine-et-Marne, le sud de l'Essonne ou l'ouest des Yvelines, qui est collé à l'Eure-et-Loire, finalement, on vend beaucoup moins, donc beaucoup moins d'élèves que le centre de Paris ou certains grands, pour le cas des Yvelines, on a des centres très forts, Versailles-Saint-Germain-en-Laye, mais au-delà de Versailles-Saint-Germain-en-Laye, les Yvelines sont finalement très très peu représentées. Ce qui donne lieu à des chiffres absolument hallucinants, où 8% des lycées généraux et technologiques fournissent 50% des cohortes des admis dans des écoles, et en particulier ENS, XHEC et IEP de Paris. 8% des lycées généraux et technologiques sur toute la France produisent 50% des admis. Avec un chiffre encore plus important, et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse collectivement, c'est qu'à Sciences Po Paris, la probabilité de rentrer à Sciences Po Paris pour un élève qui était scolarisé dans l'Académie de Paris, donc Paris intramuros pour le moment, est plus forte seulement pour les élèves qui sont scolarisés dans 4 arrondissements. Et les arrondissements concernés sont le 16e arrondissement, le 5e, le 6e et le 7e arrondissement exclusivement. Donc là, on a des logiques de ségrégation, évidemment scolaire, qui recoupent des logiques de ségrégation urbaine et d'augmentation du marché du logement, qui a un impact tout à fait fort sur les cohortes de Sciences Po Paris, et donc de facto, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les cohortes d'entrée dans les écoles de la fonction publique, et notamment de la haute fonction publique. Du coup, dans ces conditions, peut-on considérer que les dispositifs d'ouverture sociale ont eu un effet ? Pour moi, il y a quand même eu un effet à plusieurs égards, et j'y reviendrai rapidement pour le coup. Premier effet, c'est que ça a contribué à repolitiser la question des concours et de l'accès dans l'enseignement supérieur, dans les grandes écoles, et de facto également dans la fonction publique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu à Sciences Po, j'y reviendrai pas, mais aussi à Oxford. On a eu des phénomènes de scandalisation des admissions à partir de controverses, donc je vous ai mis la photo d'une jeune étudiante qui s'appelle Laura Spence, qui vient d'un milieu très défavorisé, qui cherche en an 2000 à rentrer à Oxford en médecine dans une filière très sélective. Et les membres du jury, pris par leur propre biais cognitif, disent bah, « en fait, mieux vaut pas la faire rentrer en médecine, alors certes elle est très bonne, mais elle n'arrivera pas à suivre le niveau et le niveau étant très haut en médecine, et par ailleurs, elle ne sera pas dans son milieu d'origine. » Ce qui crée aide d'avocat et avec l'aide d'avocat qui font circuler finalement les notes de ces membres du jury. Un énorme scandale politique donc, qui est repris en charge par la troisième voie à l'époque. Le premier ministre s'appelle Gordon Brown, ce qui donne lieu à une commission parlementaire, d'enquête parlementaire qui met Oxford et Cambridge et leur président devant la Chambre des communes en particulier. Pour vous imaginer la taille du scandale, il faut vous imaginer devant le Sénat et l'Assemblée nationale, les directeurs de Sciences Po, d'HEC, de l'École Polytechnique et des ENS, avec l'intérêt médiatique pour cette question-là. Donc ça donne lieu à une régulation institutionnelle, donc comme je l'ai dit, par la naissance d'une autorité administrative indépendante qui s'appelle l'Office for Fair Access, qui a été remodelée depuis, en 2004, et qui donne lieu à une forme de contractualisation des établissements avec l'État. Alors bien sûr, ces établissements sont plus autonomes, notamment d'un point de vue financier, mais ils reçoivent quand même de l'argent public. Et l'idée, c'est de contractualiser sur la base d'indicateurs de performance. Donc plus vous avez d'élèves issus de milieux défavorisés, plus vous avez de chances que l'État vous accorde des subventions et surtout le droit d'augmenter vos frais d'inscription. Là aussi, on pourra y revenir, mais l'ouverture sociale, y compris en France, s'articule avec les frais d'inscription. En tout cas, il y a pour moi, à ce moment-là, une spectacularisation de l'ouverture sociale qui fait qu'il y a un regain d'intérêt pour l'ouverture sociale, mais aussi pour les concours, même s'il y a aussi une polarisation sur un certain type de concours. Ça, on le voit aussi très bien en Angleterre. On s'intéresse à Oxford et Cambridge et toutes les autres universités qui peuvent être tout aussi sélectives socialement. Je pense à LSI, par exemple, passent un petit peu sous le boisseau des médias. Deuxième constatation, c'est que l'ouverture sociale, comme je l'ai dit, a introduit des formes de moralisation des admissions et des concours qui s'imposent comme une injonction auprès des acteurs, avec une articulation au titre de la diversité comme une source d'efficacité économique. Avoir plus de diversité, c'est être plus performant, produire des fonctionnaires qui seront plus à l'écoute des usagers, etc., etc. Mais ces discours moraux, finalement, sont moins liés à l'égalité entre les candidats ou entre les classes sociales qu'à une quête de transparence ou de lutte contre l'arbitraire des membres du jury, finalement. La justice, c'est pas seulement mettre en œuvre des formes d'égalité de traitement, mais aussi des formes de transparence. Ça, on le voit aussi clairement autour des controverses liées à Parcoursup, autour de la publication des algorithmes locaux, par exemple. Mais aussi lutter contre l'arbitraire de certains groupes professionnels. En Angleterre, par exemple, c'est l'arbitraire des enseignants-chercheurs. En France, ça peut être l'arbitraire des hauts fonctionnaires qui se recrutent eux-mêmes, qui ne font que reproduire leurs groupes sociaux, ou des médecins, ou des avocats, etc., etc. Donc, ce qui donne lieu à une bureaucratisation, la réponse pour répondre à cette moralisation, c'est bureaucratiser, donc renforcer les effectifs, créer des pôles d'égalité des chances de diversité, renforcer les effectifs sur l'université d'Oxford. Sur une période de 10 ans, vous avez 37 recrutements seulement liés à la question de l'ouverture sociale, et la réflexion autour de l'ouverture sociale et du recrutement du vivier des candidats, par exemple. Mais que, et c'est ça aussi qui est difficile avec le calcul, ou si j'ose dire, l'évaluation des effets de l'ouverture sociale, c'est que ces effets sont toujours à contrebalancer avec des effets de mise en marché de l'enseignement supérieur, donc augmentation des frais d'inscription, transformation du lien entre l'usager et les institutions, avec l'introduction notamment en Angleterre de logiques plus consuméristes. Justement, quand on augmente les frais d'inscription, on met le candidat dans une position de négociation plus forte. J'ai acheté finalement un bien, ce qui remet aussi en cause l'adhésion finalement au mérite, ou du moins l'association entre mérite et concours dans ces établissements-là. Ce qui met aussi des institutions, très clairement sur tous mes terrains, dans une position de se justifier, ce qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Quand on ratait l'entrée dans une grande école, on ne demandait pas de forme de justification. Il y en avait parfois, par exemple à l'ENS, on pouvait avoir un retour des membres du jury, mais si on arrivait à l'oral, pas à l'écrit. Et pour le coup, sur tous mes terrains, ce que je vois, c'est la mise en œuvre, par exemple la création de call center. Donc il faut vous imaginer dans des services d'admission des personnels qui sont payés pour répondre au téléphone et pour répondre aux parents qui s'interrogent justement sur les raisons d'un refus, par exemple. mise en œuvre de formes institutionnalisées de justification du jugement scolaire ou du jugement méritocratique, qui inverse, il me semble, qui incarne bien cette inversion, cette transformation de la relation entre l'usager et l'institution. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi une des conséquences de la mise en marché. Et l'ouverture sociale, finalement, accompagne aussi ces logiques-là. Je pourrais revenir de manière plus approfondie un peu. Je vous ai mis un extrait d'entretien en Angleterre d'une administratrice qui travaille sur dans un organisme national, en fait un syndicat qui représente les intérêts des institutions de l'enseignement supérieur. Quand je l'interroge sur la transformation des admissions, elle me dit « Il va falloir que les gens en charge des admissions développent un ethos de service parce qu'ils vont être confrontés à des consommateurs qui répondent à leurs propres intérêts au sein de l'institution. » C'est quelque chose que les personnels ne voient pas forcément parce que les admissions répondent d'abord à une fonction administrative. Les élèves, c'est d'abord des fichiers. Vous les traitez, puis un jour, ils rentrent à la fac ou non. Et maintenant, ça ne peut plus être le cas. Il faut rencontrer les parents, les enseignants, les services d'orientation et bien sûr, les élèves eux-mêmes. Donc ça, c'est simplement pour dire que les admissions sont aussi, dans un contexte de mise en marché, au service d'une stratégie d'établissement, et qui, autant qu'ils incarnent aussi la transformation de la relation entre le candidat, l'admis et l'institution. Et ça, encore une fois, c'est difficile, et c'était même impossible sur mon terrain, de différencier ces évolutions de l'ouverture sociale. Et on me dit, finalement, ben, ça c'est bien d'expliquer les choses, parce que l'ouverture sociale, ben, ça va être permise par ce travail un petit peu de mise en concurrence des institutions entre elles-mêmes qui vont permettre d'être plus transparentes, etc. Donc les deux logiques marchandes et d'égalité des chances se répondent en quelque sorte. Du point de vue, quand même un point peut-être sur les critères d'admission. Que change l'ouverture sociale sur les critères d'admission ? Donc, comme je l'ai dit, elles incarnent une nouvelle lecture de la justice sociale. Une meilleure démocratie s'incarne dans la reconnaissance des qualités singulières de l'individu, quelles que soient ses propriétés sociales, ethniques et scolaires. Ce qui pose une question quand même intéressante et importante, je pense, à force d'individualiser le recrutement, dans quelle mesure, dans le cadre fonctionnaire, se pose, croit-on encore à l'intérêt général. Donc ça, c'est une question ouverte que je pose peut-être à mon auditoire. Mais en tout cas, effectivement, se joue, à mon avis, dans les études à mener à l'avenir, peut-être des choses plus raffinées sur la manière dont les jeunes fonctionnaires adhèrent à cette et définissent l'intérêt général par rapport à cette individualisation du traitement de leur mérite, entre guillemets, ou de leur talent dans cette lecture singulière. Cela fait qu'on multiplie les discours autour de l'authenticité. Donc, l'idée, c'est encore une fois par l'oral, par exemple, de rechercher l'authenticité du candidat avec des côtés très naturalisants finalement. On croit au candidat qui existerait tel qu'en son talent et dans la capacité de l'institution à l'identifier comme dit Norbert Elias, le sociologue allemand évidemment, comme un homo clausus, c'est-à-dire que la question du talent réhabilite la croyance dans la capacité d'institution à mettre de côté toutes les logiques sociales qui vont autour de l'élève ou du candidat et de ne pouvoir identifier que son talent. Ce qui donne lieu aussi non seulement à l'oral, mais à la multiplication, notamment en Angleterre, des tests psychotechniques qui sont jugés comme une manière très adapté finalement de juger l'élève tel qu'en son effort, tel qu'en son talent. Bien sûr, la sociologie de l'éducation qui s'est intéressée à ces tests psychotechniques souligne finalement que les tests psychotechniques présentent les mêmes formes d'inégalité que les autres formes de concours, tout simplement parce que les tests psychotechniques, on peut les préparer, on peut les anticiper, on peut stimuler chez les élèves des compétences de logique, des compétences cognitives qui sont évaluées par ces tests-là. Autre point important, donc la naissance, comme je l'ai dit, de toute une référence, tout un discours autour du potentiel. Donc on passerait d'une logique de recrutement non plus évaluative, ou plus seulement évaluative, mais aussi prédictive, prospective. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve sur tous mes terrains. Le potentiel reste est très défendu, j'ai mis un petit extrait concernant Sciences Po, très défendu à l'époque de Richard Descoings, par Richard Descoings et les tenants d'une ouverture sociale un petit peu plus ciblée, par exemple, sur des élèves issus de milieux très défavorisés ou de filières techniques et professionnelles, qui valorise le potentiel comme une catégorie d'action, un levier d'action pour justement faire entrer ces élèves qui sont parfois distants, voire très distants, avec des normes scolaires normalement prises en charge. Mais ceci dit, quand on rencontre les acteurs et les membres du jury, la question du potentiel, même si elle est désormais légitime, elle reste très incertaine dans sa définition et aussi associée à des usages très scolaro-centrés, en quelque sorte. Je vous ai mis un extrait d'entretien qui le dit bien, avec une professeure d'histoire de l'art à l'université d'Oxford, qui me dit, ben, pour moi le potentiel, c'est les gens qui n'ont peut-être pas encore eu toutes les opportunités ou les chances de réussite dans leur vie, mais qui ont quand même réussi à atteindre les meilleurs critères académiques. Donc elle reste dans une lecture du potentiel qui est encore associée à une lecture du mérite scolaire, c'est-à-dire des notes et des capacités à avoir les meilleures notes, quel que soit son milieu scolaire. Alors certes, elle prend en compte la dimension sociale des choses, mais elle reste associée, dans une association entre potentiel et notes et mérite scolaire. Ceci dit, le potentiel dans mes enquêtes ne sert pas à rien. Il sert principalement à assurer la continuité du dispositif avec les enseignants du secondaire en maintenant, si j'ose dire, ces enseignants-là, qui sont évidemment dans ces dispositifs-là des chevilles ouvrières centrales, en maintenant leur adhésion. Parler de potentiel, finalement, c'est moins travailler sur une catégorie de jugement que sur une forme de convention de jugement. Dire à des enseignants de secondaire dans l'éducation prioritaire qu'on reconnaît désormais non seulement le mérite, mais le potentiel de leurs élèves, c'est leur permettre d'adhérer plus facilement à des dispositifs qui institutionnellement ont pu créer des controverses. Il y a 20 ans, quand l'ESSEC et École de commerce privée est rentré dans l'éducation prioritaire, avoir une entreprise, ou du moins une école privée associée au CAC 40, par exemple, de l'éducation nationale, ce n'est pas aussi évident qu'aujourd'hui. Donc, produire des nouvelles conventions de jugement comme le potentiel, c'était permettre finalement l'adhésion et finalement la circulation de ces élèves, de bons élèves issus de milieux défavorisés, vers les grandes écoles. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Dans l'ouverture sociale, ce n'est pas seulement un effet sur les critères qu'on met en œuvre ou pas. Pour plus de détails, je me permets de me référer à mon troisième livre, hein, si vous voulez en savoir plus. Mais c'est aussi pouvoir produire des conventions de jugement qui lie des acteurs très différents les uns avec les autres et qui permettent finalement la circulation entre univers sociaux et scolaires d'élèves ou de candidats plus éloignés, si j'ose dire. Voilà, je vous avais mis quelques éléments d'entretien. Donc une enseignante d'un lycée du Val-d'Oise, très proche de la Seine-Saint-Denis, me dit par exemple, nos élèves ont du potentiel, ils ne sont pas bons en orthographe, en grammaire, mais là ils sont à sélectionner à l'oral. Ça, c'est bien. Donc, c'est quelque chose, c'est une convention de jugement qui valorise aussi la capacité des enseignants à identifier le talent de leurs élèves. Et là, on est vraiment dans un mythe, un mythe fictionnel, en quelque sorte, de la Troisième République, de l'enseignant du secondaire qui est en capacité d'identifier les futurs boursiers de la République. Petit point, peut-être éloigné mais intéressant, c'est que l'ouverture sociale et la diversité, ça a créé une imagerie dans le secteur privé, là je me réfère aux travaux de Laure Bérénice sur les managers de la diversité, mais aussi dans le secteur public, une imagerie de l'ouverture sociale qui représente la proximité entre l'élève et l'institution comme un mode d'intervention. Évidemment, dans l'ouverture sociale se joue aussi le lien entre les politiques de communication et les politiques d'admission au sein des établissements. Ça paraît assez évident, mais ça se joue également dans la production d'une image de l'institution où on associe évidemment des élèves issus de milieux avec des caractéristiques différents, avec des caractéristiques sociodémographiques différents, mais toujours dans des lieux associés à un certain prestige élitaire, etc. Là, je vous ai mis des images de l'université d'Oxford. Toujours dans cette logique, c'est possible. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, là, ce sera ma dernière slide. Alors, parce que les personnages qui sont associés à l'ouverture sociale et à la diversité sont dans des situations de domination. Alors, j'utilise le terme de domination dans un sens sociologique, c'est-à-dire que, dans des relations de domination, c'est-à-dire que dans les organigrammes, ils sont souvent à des positions qui sont sinon dominées, c'est-à-dire subalternes, sinon peu légitimes, et notamment éloignées des formes de légitimité normative associées au jugement scolaire, c'est-à-dire que dans les concours qui sont liés à certains corps, par exemple des enseignants-chercheurs, c'est chargé de l'ouverture sociale et qui sont des personnages chargés de penser, de réfléchir au vivier, par exemple, ou au mode de sélection, sont généralement peu présents dans les concours eux-mêmes, notamment dans les commissions et les jurys. Et ces personnels sont par ailleurs très éloignés des leviers de décision, que ce soit des leviers de décision en termes financiers ou en termes administratifs. Et pour moi, c'est une des explications finalement de l'inefficacité relative de l'ouverture sociale, c'est-à-dire qu'il y a un investissement politique et médiatique extrêmement fort qui peut se traduire en termes financiers, hein, par exemple par le biais de mécénat, de recours au mécénat, mais une forme de désinvestissement organisationnel dans la mesure où on associe l'ouverture sociale à des problématiques associées, enfin très féminisées, d'ailleurs ces personnages sont souvent très largement féminisés, parfois racisés, souvent non titulaires des diplômes des grandes écoles concernées, etc., etc. Ce qui fait dire à une de mes chargées de mission ouverture sociale à Oxford la chose suivante: dans la position dans laquelle je suis, n'importe quel personnel enseignant, chercheur est plus important que moi. Si je fais quelque chose qui déplaît à un enseignant-chercheur, je vais devoir arrêter de le faire. Mais cela n'arrive jamais, car ils ne sont jamais si intéressés que ça dans ce que je fais. Et donc, pour moi, il y a, et encore une fois, là, je ne fais pas de jugement de valeur, il n'y a pas de moralisation dans mon discours, puisque je suis moi-même enseignante-chercheuse, il y a quelque chose de très paradoxal qu'on retrouve sur de très nombreux terrains de l'ouverture sociale, entre cet très grand investissement et cette légitimité très fort donnée à l'ouverture sociale, à la nécessité de développer des mesures d'élargissement des viviers, que ce soit des candidats ou des admis, et ce désinvestissement organisationnel qu'on retrouve vraiment sur tous les terrains, dans un très grand nombre d'établissements et de pays. Ce qui explique du coup sans doute les chiffres que je vous ai présentés il y a quelques slides. Donc, l'ouverture sociale change d'elle la donne, oui, en termes d'environnement institutionnel, avec des effets incertains, et non pour le moment en termes de composition sociale, sauf pour les dispositifs les plus coercitifs, qui sont aussi très individualisés. Le dispositif de Sciences Po, désormais, c'est, enfin, la première année, c'est 17 étudiants, pour qui ça marche, en quelque sorte, évidemment, ça a des effets pour ces 17, mais ce n'est pas des dispositifs qui sont faits pour avoir des effets de masse. Donc, on peut difficilement avoir des effets d'un point de vue statistique visibles. Ça, c'est important de le dire, je pense également. Je m'arrêterai là en vous remerciant et dans l'attente de vos questions. Merci beaucoup.